Laisse Mbappé là. Moi tu me parles pas d'âge. Tu me parles d'âge peut-être quand je suis pas là. Mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. J'suis dans la ville, sa mère. Moi si moi je récupère. Moi je récupère. Faites monter l'ascension. N'importe quand je peux béton. Ouais, je te béton. Putain, il faut que je mange. Il me reste plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps. Sur mon dos les 22. J'appelle un bon baveux. Je rentre à la maison quand maman se réveille. Je me fais tout petit, faut pas qu'elle sorte le mien. Dans le KGB, je vais cacher la recette. Dans la vie, c'est des ingrats que des épais. Les petits envoient d'autres petits chez le pack-pack. Chez le pack-pack. Attends. Les petits envoient d'autres petits chez le pack-pack. À peine 13 ans, pilon caché dans l'ispack. T'étonnes pas si après ça va te back-back. L'instru va s'arrêter, voilà, je continue. T'étonnes pas si à 6h ça fait top-top. Je suis en 6ème, par Dieu, je peux plus m'arrêter. On fait des sous-bas, les coups de tontiné. Je à la tête, sur vêtements de couple. Dans la sacoche, la peur. M'en fous de tes fesses, on sortira pas neuf. Pour une histoire de meuf, j'suis avec la poisse. On passe pas les rapports, du cheka on rapporte. Toc toc toc, les flics derrière ta porte. T'as tout mis dans la barre, j'suis dans un coupé sport. Bah ouais, marabout lance un sort. Bah ouais, Oumarou lève le cross. Bah ouais, parisienne monte son corps. Bah ouais, j'suis dans la cuisine, j'blesse sa mère. Maman veut pas que j'traîne avec Samir. Samir veut pas que j'sorte avec Samira. La mixité, j'trouve que ça mire très bien. Copa del Mundo, équipe de France sur le maillot. Je fais ce qu'il école, moi j'ai préféré mailler. Je fais que de l'AD, je remets du gaz dans la potion. Et dans la fête, la jaune part comme des petits pains. Je m'achète pas de Gucci, pour le moment j'ai deux mamans. Belle avec la bague peut t'avoir, elle est pas loin. Hein? J'suis dans la ville, sa mère. Moi si moi je récupère. Moi je récupère. Faites monter l'ascension. N'importe quand je peux béton. Ah, je peux béton. Putain, il faut que je mange. Il me reste plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps. Sur mon dos les 22. J'appelle un bon baveux. Un bon baveux. J'suis dans la ville, sa mère. Moi si moi je récupère. Moi je récupère. Faites monter l'ascension. N'importe quand je peux béton. Ah, je peux béton. Putain, il faut que je mange. Il me reste plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps. Sur mon dos les 22. J'appelle un bon baveux. Un bon baveux.